Troisième partie, chapitre 14, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sandra Schmidt. Introduction à la vie dévote, par Saint François de Sales. Troisième partie, chapitre 14. De la pauvreté d'esprit dans la possession des richesses. Bienheureux sont les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Malheureux donc sont les riches d'esprit, parce que la misère de l'enfer est pour eux. Celui-là est riche d'esprit, qui a l'esprit de ses richesses, ou ses richesses dans l'esprit. Et celui-là est pauvre d'esprit, qui n'a nulle richesse dans son esprit, ni son esprit dans les richesses. Les alcyons font leur nid d'une construction admirable. La forme en est semblable à une pomme, et ils n'y laissent qu'une très petite ouverture par le haut. Ils le placent sur le bord de la mer, et le font si ferme et si impénétrable que quand elle vient fondre sur le rivage avec ses flots, il n'y peut entrer aucune goutte d'eau, parce qu'il tient toujours le dessus des vagues, dont il prend le mouvement. Ainsi, il demeure au milieu de la mer, sur la mer, et maître de la mer. C'est l'image de votre cœur, filoté, qui doit toujours être ouvert au ciel, et toujours impénétrable à l'amour des biens périssables. Si vous êtes riche, conservez votre cœur dans un grand détachement de vos richesses, et qui s'élève toujours au-dessus d'elles, de sorte qu'au milieu des richesses, il soit sans richesse et maître des richesses. Non, ne permettez pas que cet esprit céleste se plonge dans les biens terrestres, et faites au contraire que, supérieur à ce qu'ils ont de plus aimable, ils s'élèvent de plus en plus vers le ciel. Il y a bien de la différence entre avoir un poison et être empoisonné. Ceux qui font la pharmacie ont presque tous des poisons pour plusieurs bons usages de leur art. Et l'on ne peut pas dire pour cela qu'ils soient empoisonnés, puisqu'ils n'ont ces poisons que dans leur cabinet. Aussi, vous pouvez avoir des richesses sans que le poison qui leur est naturel aille jusqu'à votre cœur, pourvu que vous les ayez seulement en votre maison et non pas dans votre cœur. Être riche en effet et pauvre d'affection, c'est le grand bonheur du chrétien, car il a tout ensemble les commodités des richesses pour cette vie et le mérite de la pauvreté pour l'autre. Hélas, Philothée, jamais personne ne confesse qu'il soit avare, et chacun désavoue cette bassesse d'âme. On s'excuse sur le nombre des enfants et sur les règles de la prudence qui demandent qu'on se fasse un établissement solide. Jamais on a trop de biens, et il se trouve toujours des nécessités nouvelles d'en avoir davantage. Les plus avares ne pensent pas en leur conscience qu'ils le soient. L'avarice est une prodigieuse fièvre, qui se rend d'autant plus imperceptible qu'elle devient plus violente et plus ardente. Moïse vit un buisson brûlé du feu du ciel, sans en être consumé. Mais au contraire, le feu profane de l'avarice dévore et consume l'avare sans le brûler. Du moins, il n'en sent pas les ardeurs, et l'altération violente qu'elle lui cause ne lui paraît qu'une soif fort douce et toute naturelle. Si vous désirez ardemment, longtemps et avec inquiétude les biens que vous n'avez pas, croyez que véritablement vous êtes avare, quoique vous disiez que vous ne voulez pas les avoir injustement. En la même manière qu'un malade qui désire ardemment de boire, il désire longtemps et avec inquiétude, fait voir qu'il a la fièvre, quoiqu'il ne veuille boire que de l'eau. Ô Philothée, je ne sais si c'est un désir bien juste que celui d'avoir par les voies justes ce qu'un autre possède avec justice, car il semble que nous voulions nous accommoder aux dépenses de l'incommodité d'autrui. Celui qui possède un bien justement, n'a-t-il pas plus de raison de le garder justement que nous n'en avons de désirer de l'avoir justement? Par quelle raison donc entendrons-nous nos désirs sur la commodité pour l'en priver? Quand ce désir serait juste, certainement il ne serait pas charitable, et nous ne voudrions pas qu'un autre se permît ce même désir à notre égard. Ce fut le péché d'Acab, de vouloir avoir injustement la vigne de Naboth, qui la voulait encore plus justement garder. Ce roi la désira ardemment, longtemps et avec inquiétude. Ainsi, il offensa Dieu. Attendez, Philothée, à désirer le bien du prochain, quand il commencera à désirer de s'en défaire, et alors son désir rendra le vôtre juste et charitable. Oui, je consens que vous vous appliquiez à l'augmentation de votre bien, pourvu que ce soit avec autant de charité que de justice. Si vous aimez les biens que vous avez, s'il occupe votre prudence avec empressement, si votre esprit y est, si votre cœur y tient, si vous sentez une crainte vive et inquiète de les perdre, croyez-moi, vous avez encore quelque sorte de fièvre, et le feu de l'avarice n'est pas éteint, car les fébricitants boivent l'eau qu'on leur donne avec une certaine avidité, application et joie, qui ne sont ni naturelles ni ordinaires aux personnes saines. Et il n'est pas possible de se plaire beaucoup à une chose sans que l'on y ait grand attachement. Si dans quelque perte de bien, vous sentez votre cœur affligé et désolé, croyez-moi encore, Philothée, vous y avez beaucoup d'affection, puisque rien ne marque mieux l'attachement que l'on avait à ce que l'on a perdu que l'affliction de la perte. Ne désirez donc point d'un désir entièrement formé le bien que vous n'avez pas. Ne plongez point votre cœur dans celui que vous avez. Ne vous désolez point des pertes qui vous arrivent. Alors vous aurez quelque sujet de croire, non seulement qu'étant riche en effet, vous ne l'êtes point d'affection, mais encore que vous êtes pauvre d'esprit, et par conséquent du nombre des bienheureux, puisque le royaume des cieux vous appartient. Fin du chapitre 14, troisième partie.